girls, daily girl battle jack picky bagan in the majority of the party. Bon homme qui jamais se dit dans le scene. C'est pas des dictes, mettre avec une raconte. Princess! Pour tout le monde qui est concerné. Belle girl!